Lettre 82e, Théophanie à Junia Marcella, Saint-Yom, juin 303. Tu ne te plaindras plus, mon ami, que je t'écrive si rarement depuis que je suis heureuse. Nous sommes à présent établis dans notre tranquille villa. Tout mon temps est à moi, et je t'en consacrerai une bonne partie. Pendant que j'étais dans la maison de mon beau-père, je ne pouvais m'occuper que de l'économie domestique et d'être auprès de lui. Faible ressource pour un homme qui a passé sa vie dans les distractions du monde et dans les plaisirs, et qui regrette amèrement que l'âge et la mauvaise santé aient interrompu le cours de ses jouissances. Cependant, il a bien voulu me témoigner que mon entretien ne lui déplaisait pas, et je tâchais de l'égayer autant qu'il m'était possible, tandis que de son côté, il me comblait de présents magnifiques. Mais combien je me trouve plus heureuse ici à l'ombre de nos bocages, entourée du parfum des fleurs, que dans les appartements somptueux de la maison des Gécipus. Accompagné de mon Agathoclès, je parcours les lieux témoins de ma jeunesse. Le passé se confond avec le présent. Tout ce qui était sombre, triste, incertain, a disparu. Nous jouissons du bonheur que nous espérions alors, et nous le trouvons bien encore au-dessus de notre attente, avec les mêmes sentiments qui animaient et embellissaient notre enfance et notre jeunesse. J'ai de plus la jouissance continuelle de l'entretien sublime d'Agathoclès, de la grandeur de ses idées et son profond désir du bonheur du genre humain. Son attachement pour ses frères vient encore, comme un astre bienfaisant, réchauffer notre existence. Lorsque j'entends un souffle léger et rafraîchissant se jouer dans le feuillage, quand je vois l'air balsamique du printemps ranimer toute la création, alors je sens en moi la puissance et la bonté paternelle du Dieu que j'adore. Mes actions de grâce montent vers celui qui a dissipé l'obscurité de mon sort, qui m'a conduite par des sentiers tortueux et pénibles à un bonheur parfait. Est-il possible, Junia, que des hommes puissent être aussi heureux que nous le sommes? Cette félicité peut-elle être durable? Ce bien qui ne laisse rien à désirer, la certitude d'avoir atteint le but de tous mes désirs, n'est-ce pas l'image la plus parfaite du sort qui nous attend? Mais là, tout est éternel, ici tout est périssable. Je fais souvent cette réflexion, et mon cœur inquiet tremble à l'idée d'un changement de situation. Mais je ne repousse pas cette crainte salutaire. Je bénis cette voix intérieure qui me préserve de la présomption et d'un attachement trop vif à cette vie. C'est sans doute celle de mon ange tutélaire. Elle m'apprend à jouir de mon bonheur avec humilité, et de sanctifier cette jouissance par un abandon complet aux volontés du Très-Haut. Notre fortune étant bornée au revenu de Saint-Yom, qui appartient en propre à mon époux et lui vient de sa mère, nous avons arrangé notre vie d'après nos moyens, d'une manière simple et commode. Nous avons peu d'esclaves, ou plutôt nous n'en avons point, car suivant les principes d'égalité de notre sainte religion, nos serviteurs sont libres de nous quitter, mais nous tâchons qu'ils n'en aient pas envie. Notre table est frugale, les repas que nous prenons ensemble nous paraissent excellents, et nous sentons tous les jours plus que les richesses de notre père ne sauraient augmenter notre bonheur, et le détruirait peut-être par les grandes et petites suggestions qu'elle donne. Nous jouissons de ce que nous possédons avec d'autant plus de plaisir que nous en fûmes longtemps privés. Le gain de nos travaux a un prix de plus. On y est plus sensible qu'à l'abondance qui n'a coûté nulle peine. Ah, si Constantin pouvait nous voir, il changerait bien sûrement l'idée sur le bonheur d'Agathoclès, et il ne le vaudrait plus d'avoir renoncé à la fortune. Cette bouderie est la seule chose qui verse quelques gouttes amères dans la coupe de notre félicité. Je vois qu'Agathoclès en souffre plus qu'il ne veut le faire paraître. Ah, si je savais un moyen de lui ramener Constantin! Mais son rang rend toute avance difficile. Il est tout-puissant. La différence d'un souverain à un sujet n'est plus aussi peu de chose que du temps d'Octave ou de Marc Aurèle. L'amitié seule pouvait égaliser Agathoclès et le fils d'un César. Et si cette amitié n'existe plus dans le cœur de ce dernier, s'il ne voit plus les objets sous le même point de vue, comment espérer un rapprochement? C'est surtout l'égalité dans les sentiments et dans les opinions qui peut affermir à jamais une liaison. Agathoclès et moi, nous en sommes la preuve. Nous fûmes, dès notre enfance, élevés l'un pour l'autre. Chaque sensation nous était commune. Chaque sentiment trouvait son semblable dans notre cœur. Nous vivions, nous lisions ensemble, nous prenions plaisir aux mêmes jeux, aux mêmes récréations, aux mêmes études. Le sort nous sépara longtemps sans pouvoir altérer cette sympathie. Quand nous nous retrouvâmes, rien n'avait changé. À Édesse, à Nisibis, au milieu de ses occupations militaires, il savait trouver des heures pour être avec moi et Démétrius, nous faire une lecture, ou parlaient avec nous et des événements, et de l'impression qu'ils avaient faite sur nous, qui se trouvait toujours analogue. C'est ainsi que non seulement mon cœur, mais aussi mon esprit était en harmonie avec le sien. Oh, quel trésor de félicité a produit ce rapport entre nos âmes! Que la nature, les lois, la religion même aient donné le premier rang à l'homme, qu'il ait sur la femme des droits, dont bien des esprits grossiers abusent, c'est sur quoi je ne veux pas disputer. Mais la réunion de deux êtres intelligents, sentant et pensant d'eux-mêmes, forme un ensemble de bonheur et de perfection lorsqu'ils tendent au même but et s'aident mutuellement pour y parvenir. La seule différence de leur sexe met de la diversité dans leurs devoirs et dans leurs actions. Et s'il y en a dans les caractères, s'il leur arrive d'être en dispute, qui décidera lequel des deux doit céder? Sera-ce l'usage reçu de la prééminence de l'homme? La femme sera donc constamment la partie opprimée, et elle aura tort lors même qu'elle aurait raison? Sera-ce la vérité et la justice? Mais comment savoir de quel côté elles sont, lorsque chacun d'eux envisage la chose sous un point de vue différent, et soutient son opinion par des arguments d'égale force? L'amour, oui, l'amour seul peut les accorder, et toujours il y réussit. Il rapproche les esprits par mille moyens. Il nous montre le point de vue sous lequel l'objet aimé envisage le monde et les choses comme le plus juste. Il nous rend cher ce qu'il aime, et sans sacrifice, sans qu'il soit question de céder, la volonté des deux n'en fait plus qu'une. Telle est ma position avec Agathoclès. Est-ce que tu m'as reproché si souvent cette condescendance pour ceux que j'aime, que tu nommais faiblesse? Fais maintenant, je puis te l'assurer, mon plus grand bonheur. Adieu, ma Junia. Je sais que tu te réjouis de la félicité de ta Larissa. Je me flatte donc que mes lettres te font plaisir, quoiqu'elles soient entièrement dénuées d'événements. Prie Dieu pour qu'il en soit toujours ainsi.